543. Role playing and reinvention of the story. Listen to a sample dialogue on the recording. Regardez ce joli chien. Quel joli toutou. Il a un nom, ce joli chien? Oui, tout le monde a un prénom. Alors c'est quoi ton prénom? Fido? Oh, c'est un joli prénom. C'est un joli prénom français. Ah oui, oui, c'est aussi un prénom américain. Oui, oui, c'est un prénom à la fois français et américain. Et puis, c'est facile à prononcer. Tu as une famille, Fido? Ah, tes parents sont divorcés. Oh, pauvre Fido, tu vas peut-être avoir des complexes. Gentil toutou, oui, ça va. Copyright 1994, Yale University.